J'aime bien aller au supermarché, car on peut faire ses courses avec un chariot et que j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup de bacon et de saucisson. J'ai une petite faiblesse pour le gras. J'ai même une fois échangé le poids de mes sentiments contre son poids en gras et en bacon. Je ne sais pas si ça me nourrit très bien, mais c'est ma petite faiblesse qui me perdra. Le poids du gras et du bacon. Je me suis jamais posé de question de nutrition. Je me suis jamais demandé ce qu'étaient les protéines. C'est quoi les protéines? Il y en a dans le gras et dans le bacon, non? C'est quoi les protéines? Est-ce que tu le sais, toi? J'arrive à la caisse avec mon chariot rempli à ras-bord de bacon et de saucisson. Juste du bacon et du saucisson parce que j'en mange tout le temps. Dès que j'ai une petite angoisse, j'en mange. Au réveil, j'en mange. C'est un peu mes cigarettes à moi et... Oh, ma nourriture. Et là, devant moi, il y a une fille un peu... interloquée, aussi curieuse, elle engage la conversation. Elle croit que c'est des courses pour moi, je lui dis non. Mais elle me demande... Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la nutrition? Et je lui dis non, le gras c'est bon, ça suffit à mon petit estomac et intestin. Elle me dit... Tu ne devrais pas manger ça. C'est pas bon pour toi. Il faut se renforcer, il faut s'interroger, savoir quel type de nourriture il faut. Quel type de nourriture est bonne pour ton organisme? C'est quoi les protéines? Tu t'es déjà demandé ce que c'était? C'est le gras? Non. C'est la bière? Non. Mais qu'est-ce que c'est, les protéines? Elle me dit, c'est pas compliqué. Les protéines, c'est très facile à trouver. On en a sur soi et on le sait même pas. Ah bon? Expliquez-moi. Elle me dit, tu vois ton vêtement? Ton manteau, ta chemise, ton jean. Là, il y a des protéines. Dans les tissus des mailles, il y a des protéines. Dans le coton, il y a des protéines. Même dans le cuir, il y a des protéines. Alors, tu vois la solution? Non. Il faut que je te le dise, la solution? Oui. La solution, c'est de manger ses vêtements. Il faut manger ses vêtements. Là, pour se voir les croquer avec les dents. Il faut manger ses vêtements. Il faut manger ses vêtements. C'est ça, les protéines. C'est ça, les protéines. Il faut manger ses vêtements. C'est ça, les protéines. C'est ça, les protéines. Il faut manger, manger ses vêtements. C'est ça, les protéines. C'est ça, les protéines. Il faut manger, manger ses vêtements. Les meilleures protéines sont dedans. Dans les mailles de ton t-shirt, dans le fond de ton cuir. Le cuir de ta veste, les mailles de ton t-shirt, les vêtements. Il faut manger ses vêtements. Tu crois qu'ils sont faits pour être portés, mais non. Il faut être nu dans la rue, même pour faire ses courses. Il faut être nu, car comme ça on peut manger ses vêtements. Il faut être nu, car comme ça on peut manger ses vêtements. Les protéines sont dans les vêtements.